pas devant les gens. Ouyouyou, aïe aïe aïe, ici c'est comme à la maison. Ouyouyou, aïe aïe aïe, n'aie pas honte devant les gens. Ouyouyou, aïe aïe aïe, ici c'est comme à la maison. Ouyouyou, aïe aïe aïe, n'aie pas honte devant les gens. Je crois qu'il est temps, je veux me détendre. Que tu veux qu'on danse demain? Moi je m'en fous, y'a des ladies avec bonne taille en bikini. Y'a des bouches, je te l'avais dit. Il y aura une ambiance de folie. Même si t'es pas venu pour danser, ici c'est comme à la maison. Même si t'es pas venu pour danser, n'aie pas honte devant les gens. Comédie du sol pour se détendre. De l'aube jusqu'à midi, ratatatata, aujourd'hui y'aura du pain. Mais elle veut que danser, là c'est la galère. Elle veut que danser, là c'est la galère. Écoute mes leçons, je sais que tes leçons. Viens, on ne danse pas demain. Sans permission, je sais que tes leçons. Donc tu dois mettre dans ta main. Même si t'es pas venu pour danser, ici c'est comme à la maison. Pour danser, n'aie pas honte devant les gens. Ouyouyou, aïe aïe aïe, ici c'est comme à la maison. Ouyouyou, aïe aïe aïe, n'aie pas honte devant les gens. Ouyouyou, aïe aïe aïe, ici c'est comme à la maison. Ouyouyou, aïe aïe aïe, n'aie pas honte devant les gens. Sous miel, sous vodka, sous miel, tout sous miel, à tout sous miel, ouais c'est bon.